ici. Bébé Mar. Ok. Je me lève à 7h du mat, la gueule en vrac. Obligé de me lever pour une vieille journée. En cours, obligé de rapper pour pas m'emmerder. Ras le bol de cette putain d'école. Tu sais pourquoi? Écoute ça. Tout a commencé à l'âge de 3 ans. Je pense à ça si souvent. La maternelle, les premières querelles où j'ai commencé à faire rebelle. Après, y'avait la primaire qui ne savait plus quoi faire. À part à l'école avec mon sac à dos tellement lourd que le soir j'étais KO. À 7 ans, toujours premier de la classe. À 14 ans, toujours au fond de la salle. Ensuite, dès que je suis rentré au collège, ils ont direct voulu me taire. Je me faisais engueuler par le professeur parce que je n'arrivais pas toujours à l'heure. Ces gens, pour moi, ils n'ont pas de cœur. Ils ont toujours cru qu'ils me faisaient peur. Arrêtez de croire que je fais le show. Ils nous prennent tous pour des intellos. Je suis pas du genre mytho. Arrête de faire qu'un riz, pour moi le système il est pourri. Préfère rester avec ma team, au moins là-bas en gaulerie. Certains me soutenaient, me poussaient pour travailler. Mais ils me disaient que j'allais me faire virer. Moi ça y est, ça m'a saoulé, j'ai envie de tout lâcher. Alors je préférais commencer à rapper. Pressé de travailler, avoir mon taf. Peut-être pour prendre des baffes, on m'a dit fais gaffe. L'école c'est la belle époque, mais d'entendre ça, ça me choque. Ras le bol de cette putain d'école. Mon frère, je crois que je vais tout quitter, je crois que je vais tout lâcher. Ça y est, tout ça m'a saoulé, je vais commencer à rapper. Ne faites pas mal au cœur, mes frères, faites pas cette erreur. Mon frère, je crois que je vais tout quitter, je crois que je vais tout lâcher. Ça y est, tout ça m'a saoulé, je vais commencer à rapper. Ne faites pas mal au cœur, mes frères, faites pas cette erreur. Les profs, je ne sais pas ce qu'ils veulent, ils disent tous qu'on se fout de leur gueule. J'ai envie de leur crier, fermez tous vos gueules. Pour moi c'est tous des lâches, voilà maintenant je les clash. Y'en a même qui veulent du cash pour mettre des bonnes notes. Arrêtez de croire qu'on est vos potes. Souvent j'étais absent, je répondais pas présent. Sentir l'odeur de la craie, ça me donne envie de tout quitter. On m'a dit